بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence aujourd'hui, c'est le cours 105 dans l'explication de Qurrat Uyun al-Muwahidin, le charh de Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, expliqué par son petit-fils le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan rahimahullah, avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et au dernier cours, on expliquait le verset dans Surat al-Tawbah au sujet de Masjid al-Dirar, les versets 107 et 108. Et on a expliqué tout le contexte de l'histoire de Masjid al-Dirar et tout ce qui était arrivé avec les munafiqines et comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de brûler cette mosquée qui est la mosquée de la discorde et de la dissension. Maintenant, on s'était arrêté à un point où le cheikh il expliquait que la raison pourquoi le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab dans son livre il a cité ce verset là comme argument pour établir la preuve qu'il est interdit à quelqu'un de faire des sacrifices pour Allah ou de faire des adorations pour Allah dans un endroit dans lequel on égorge pour autre que Allah, ou on adore autre que Allah, eh bien, il s'est basé sur ce verset-là. Et où est-ce qu'elle est la relation ou l'analogie qu'on peut faire entre ce que le verset nous clarifie et ce qui est mentionné dans le titre du chapitre et comment on fait le lien entre les deux? Eh bien, le cheikh, il explique que, il dit, « Wa wajhu al-mutabaqa » وجه مطابقة الآية للترجمة أن هذا المسجد لما أسس على معصية الله والكفر به صار محل غضب فنهى الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوم فيه لوجود العلة المانعة وخرج مخرج الخصوص والنهي عام وما كان مثله من الأمكنة مما أعد للمعصية وخص بفعلها فيه فإنه يعطى حكمه لأن المعصية سيرته محلا خبيثا وأثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه ويقابل ذلك المساجد. Donc ici le cheikh il explique la raison, le lien entre le titre et le verset, et il explique que yani, la mosquée de la dissension, Masjid al-Dirar, étant donné qu'elle était établie et fondée sur la désobéissance d'Allah et sur le kufr, c'est donc devenu un lieu de la colère d'Allah. Et donc, Allah Azza wa Jalla a interdit à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de se tenir à cet endroit-là pour la raison pour laquelle il lui a interdit, c'est par rapport à justement le fait qu'elle est fondée sur la désobéissance et sur le kufr. Donc, l'exemple qui est mentionné dans le verset est un exemple qui est spécifique à cette mosquée, mais le jugement et l'interdiction, il est général. C'est-à-dire, il ne s'applique pas seulement à yani, cette mosquée-là en particulier, ça s'applique à n'importe quel autre lieu qui rentre dans la description, dans la caractéristique que cette mosquée-là possédait. Et Cheikh Al-Fawzan, il rajoute plus de clarté sur ça. Il dit, « Na'am, kharaj makhraj al-khusus, wa nahyu am, an kulli makanin ittukhida lil kufri wa shirki, fala yajuzu lil muslim an yata'abbada lillahi fihi, wa in kanat niyatuhu saliha, lianna hadha min wasa'il al-shirki, wa liannahum yahtajjuna bihadha. » Donc, le cheikh, il explique que oui, c'est un exemple spécifique, mais l'interdiction est générale et ça s'applique à tout lieu qu'on a pris pour le kufr et pour le shirk. Donc, il n'est pas permis à un musulman d'adorer Allah Azza wa Jal dans cet endroit-là, même si son intention, elle est bonne. Parce que ça fait partie des moyens ou des choses qui peuvent amener les gens à tomber dans le shirk. Et les gens vont se baser là-dessus par la suite pour dire, ah, on a vu un tel ou un tel qui faisait des adorations dans tel endroit ou à tel endroit. Et eux, ils ne savent pas ce que tu fais quand tu es dans cet endroit-là. Est-ce que tu pries à Allah ou est-ce que tu pries aux idoles ou est-ce que tu pries à des tombes ou est-ce que, hein? Donc ils vont peut-être avoir une chouba. Ils vont dire peut-être qu'il adorait les idoles, donc c'est peut-être correct puisque lui il est correct. Donc s'il est à cet endroit-là, ça veut dire que c'est permis. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Une fois, il y a un musulman qui m'a dit que de raser la barbe c'est permis parce qu'il a vu un cheikh à la télévision qui parlait, qui donne des cours sur l'islam et qui était rasé. Il a dit, si c'était interdit de raser la barbe, lui, le cheikh qui donne les cours de religion, il n'aurait pas rasé sa barbe. Hein? C'est une choubha. Ça devient une choubha comme ça. C'est ça. Et en même temps, il ne retourne pas aux références et aux preuves. Il se base sur ce que les autres font. Et ils font at-taqlid. Ils font le suivi aveugle. Et parfois, ils s'accrochent à des personnes de façon fanatique sans regarder qu'est-ce que cette personne-là suit. Est-ce que c'est le haq ou le batil? Est-ce que c'est le sunna ou le bid'a? Hein? Et donc, par la suite, il va utiliser cette personne et ses actions ou ses paroles comme justification pour ce qu'il fait, alors que ce qu'il fait est en contradiction avec le Coran et la sunna. Hein? Donc ça, c'est de l'égarement. Mais malheureusement, c'est ça. Il faut éviter ça. Si tu es capable d'éviter d'être une cause pour que les gens te suivent dans le mal, alors écarte-toi de ça. Hein? Ensuite, le cheikh, il explique, dans le passage suivant, il dit, hein, donc tous les endroits semblables qui ont été préparés pour le péché, et pour la désobéissance, hein, ou qui a été spécifiquement fait pour ou placé pour faire ce péché-là ou cette désobéissance-là, eh bien, il va prendre le hukum. C'est comme, par exemple, c'est pas une chose qu'on imagine que quelqu'un ferait, mais imaginez que quelqu'un s'en va pour prier dans un bar ou dans une discothèque. Qu'est-ce que les gens vont penser, hein? S'ils voient un musulman dans un bar en train de faire la salat, alors que les gens sont en train de danser et de boire de l'alcool et de faire toutes sortes de choses haram, ils vont dire, mais ah, ça veut dire que hein, ça c'est permis. Peut-être qu'il y a des gens faibles d'esprit qui vont penser ça. Ça, c'est des choses qui existent même ici. Je me rappelle, il y a quelques années, à l'Université Concordia, l'association étudiante, étant donné qu'il y avait des réparations dans l'université, ils n'avaient pas de place dans l'université pour pouvoir faire la salat Jumu'ah. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont demandé à la loge franc-maçonnique qui est sur Saint-Marc et Sherbrooke. Hein? Et puis, ouais, c'est là-bas au centre-ville. Et donc, ils leur ont permis de faire le Jumu'ah là-bas. Sauf que dans cet endroit-là où ils faisaient le Jumu'ah, il y a des statues de lions et plein d'autres choses bizarres. Donc eux, ils mettaient des choses par-dessus. Puis, mais moi, j'avais téléphoné le cheikh Falah Ismail à l'époque pour lui poser la question au Koweït. Et je lui ai posé la question à ce sujet-là. Il m'a répondu que ce n'était pas permis. Et l'argument qu'il a mentionné, c'est justement le hadith de ce chapitre qu'on va lire justement tout à l'heure. Le hadith de Yanni, celui qui avait demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam s'il pouvait aller faire un sacrifice à tel ou tel endroit. Donc on va l'expliquer tout de suite après. Donc tout ça pour dire, Yanni, ou bien par exemple les églises, de prêter les églises, même si c'est permis, hein, j'ai entendu des explications des ulama qui ont mentionné que c'est permis de prier dans une église, à condition, bien entendu, que, bon, si par exemple t'es mal pris, t'as pas d'autre endroit pour prier, tu peux prier dans l'église. Mais, bien entendu, il faut faire attention parce qu'il y a des statues, il y a des, Hein, il y a des croix à l'intérieur. Donc, si tu pries dans ces endroits-là, il ne faut pas prier dans les directions de ces choses-là. À la kulli hal, yani, oui, c'est ça. Il faut pas faire ça. Et après, le cheikh, il explique, il dit, لأن المعصية سيرته محلا خبيثا. Donc, tout endroit qui a été établi pour le péché, pour le shirk ou le kofr, on lui donne le même jugement hein, que Masjid al-Dirar. Et il dit pourquoi? Parce que le péché l'a rendu un endroit sale. Hein? Et il dit أثرت فيه بالنهي عن العبادة فيه. Donc l'effet est que le fait qu'on a établi cet endroit-là pour la désobéissance et pour le kofr et le shirk, eh bien, cette interdiction-là, eh bien, l'effet que ça a, c'est que c'est interdit d'adorer Allah à cet endroit-là à cause de ça. Et le cheikh Al-Fawzan, il fait deux commentaires ici. Il dit, وَهَذَا يَشْمَلْ كُلُّ مَنْ بَيَّنَتْ نِيَّةٌ خَبِيثَةً مَنْ بَيَّتَ نِيَّةً خَبِيثَةً وَأَظْهَرَهَا بِمَظْهَرِ النِّيَّةِ الطَّيِّبَةِ يعني عمل مشروع عمل مشروع أو عمل مشروعا من المشاريع يظهر أنه في صالح المسلمين وهو لكيد الإسلام والمسلمين وهذا لا يصدق ولا يساعد ولا يعان على شر ليس هذا خاصا بمسجد الضرار بل يعم كل ما اتخذ أو كل ما اتخذ مكرا وخداعا وحيلة للإضرار بالإسلام والمسلمين ولو كان ظاهره الخير. Donc il dit le cheikh l'exemple par rapport à Masjid al-Dirar qui était en apparence construit pour l'islam, pour la religion, pour établir la salat, pour aider les faibles et les pauvres. Mais dans la réalité, c'était basé sur une mauvaise intention. Donc le cheikh, il dit, donc ça comprend tout autre lieu ou tout autre projet qui serait bâti ou fondé sur une mauvaise intention comme celle-là. Eh bien, même si en apparence on a l'impression que c'est pour le bien de l'islam et des musulmans, mais si c'est créé par ruse, hein, pour faire du tort à l'islam et aux musulmans, on ne doit pas donc croire en ce projet-là et on ne doit pas non plus l'aider. Hein, on ne doit pas collaborer ou aider dans le mal. Il dit ça, ce n'est pas spécifique à Masjid al-Dirar, mais c'est général. C'est général, c'est-à-dire tout projet qui a été fait ou établi pour être une ruse et pour tromper les musulmans et pour faire du tort à l'islam, même si en apparence c'est pour le bien. Donc ça, c'est l'explication du cheikh ici. Ensuite, il dit, par rapport à l'interdiction donc de faire des adorations dans un lieu comme ça, Cheikh il dit وَمِنْ مَسَاجِدَ الدِّرَارِ الْمُحَرَّمَةِ الْمَسَاجِدَ الْمَبْنِيَّ عَلَى الْقُبُورِ لَا تَجُوزَ الصَّلَاةُ فِيهَا وَيَجِبُ هَدْمَهَا فَإِذَا تَمَكَّنَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ هَدْمِهَا هَدَمُوهَا. Donc le Cheikh il dit parmi les lieux de dissension interdits dans lesquels on n'a pas le droit de prier, il y a les mosquées qui ont été bâties sur des cimetières ou sur des tombes. Il n'est pas permis de prier dedans. Il y a dans les pays musulmans des mosquées, dans certaines mosquées qui sont bâties sur une tombe. Et à l'intérieur, en plein milieu, il y a une tombe. En plein milieu de la mosquée. Subhanallah. Et donc le cheikh il dit on n'a pas le droit de prier dedans. Et même qu'il est obligatoire de détruire cette mosquée-là. Hein, de détruire la mosquée et de la construire ailleurs, de la reconstruire ailleurs, parce qu'on n'a pas le droit de construire une mosquée sur une tombe. Et il dit, c'est lorsque les musulmans sont capables de la détruire, ils la détruisent. Et comme on a expliqué déjà par rapport à ça, c'est bien entendu les responsables, les dirigeants qui doivent le faire, pas n'importe qui peut se permettre de faire ça, sinon ça risque de faire plus de tort et plus de désordre. Et comme j'avais mentionné l'exemple des idoles à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il était à Mecca, il ne les a pas détruites alors que il savait que c'était des choses fausses que les gens adoraient. Mais pourquoi il ne les a pas détruites, les idoles? Parce que ce n'était pas le moment. Et il savait que s'il le faisait à ce moment-là, les conséquences n'allaient pas être bonnes. Hein? Alors, le bien qu'il voulait faire, il allait être dépassé par le mal. Parce que des fois, tu as le choix entre un bien et tu as le choix entre un autre bien. Donc, tu vas dire, je vais prendre lequel? Celui qui est plus important. Mais s'il y a deux mâles, il y a un mâle et il y a un autre mâle. Donc, ce mâle-là, il est plus grand que celui-là. Hein? Donc, tu dis, lequel je vais laisser passer? Celui qui est plus grand. Hein? Tu vas l'éliminer si tu peux l'éliminer. Et tu laisses le plus petit. Donc, il a laissé les gens avec leurs idoles, mais en même temps, il leur fait la da'wa. Il leur explique le danger du shirk et la laideur des idoles et de l'idolâtrie. Et il leur clarifie le tawhid et il leur explique l'islam. Et petit à petit, les gens commencent à accepter l'islam. Petit à petit, les gens commencent à rentrer dans la religion. Et il y en a qui s'opposent à lui, mais à la fin, quand il est revenu à la Mecque, il a détruit toutes les idoles. Hein? Il n'a laissé aucune. Il a dit, « Ja al-haq wa zahaq al-batil, inna al-batil kana zahuqa. » Il les a détruites une par une. Pourquoi? Parce que là, il est rentré avec la force. Personne ne peut s'opposer à ce qu'il va faire maintenant. Oui, par la suite, là, ils sont tous rentrés dans l'islam. C'est ça. Ce serait difficile pour lui par la suite. Exact. Et Ibrahim alayhi salam, c'est comme Allah dit dans le Coran, kana ummatan qanitan lillahi hanifan. Lui, il l'a fait. Hein? Mais c'était yani une autre situation, un autre peuple. Et yani, il a été éprouvé à cause de ça. Et il a été patient. Et Allah Azza wa Jal l'a sauvé parce qu'il a été sincère. Donc on voit l'exemple hein, dans les deux prophètes, le prophète Ibrahim alayhi salam et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit qu'à la fin, le résultat c'est le même. Il a détruit les idoles quand même. D'accord? Mais quand il les a détruits, c'était pour de bon. Et il a même envoyé des sahaba aller détruire d'autres des idoles qui sont même partout dans la péninsule arabe. Il les a envoyés, puis il a dit, détruisez toutes les statues, toutes les idoles que vous trouvez. Hein? Donc tout ça, c'est allez, des exemples. Après, le cheikh, il explique, il dit, na'am. وهي أشرف بقاع دونك يقابل ذلك المساجد فإن الله شرفها وبنيت لطاعته والصلاة فيها يعني جمعة وجماعة وهي أشرف بقاع الأرض قال تعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال الآية وما فما أحسن هذا القياس ويأتي تقريره إن شاء الله في الحديث في في في يعني في الحديث في الباب. Donc on va expliquer ça, mais avant ça, il y a un point ici. Le cheikh il dit إذن يعني شرع يعني إذن يعني شرع يعني هي المساجد يعني شرع الله بناء المساجد للصلاة فيها ولذكر الله فيها. Donc les mosquées c'est l'opposé de ces lieux-là, les lieux de dissension que le prophète sallam a été interdit de fréquenter et il a ordonné de même de les détruire. Ensuite, il a dit donc que ça c'est une belle analogie et Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit وَمَا أَحْسَنُ هَذَا الْقِيَاسِ مِنَ الشَّيْخِ رَحِمَهُ اللَّهِ حَيْثُ اسْتَدَلَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ آية مسجد الضرار على الذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله وهذا واضح. Donc le cheikh dit c'est une belle analogie que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a utilisé pour mentionner le verset de la mosquée de Ad-Dirar comme argument pour interdire d'égorger pour Allah dans un endroit dans lequel on égorge pour autre que Allah. Ensuite, il va commencer à expliquer maintenant le hadith dans le chapitre. Et il dit, le hadith qui est mentionné dans ce chapitre, c'est le suivant. Il dit, « قوله عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا لا. قال فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. نعم. رواه أبو داود. Donc, qu'est-ce que ça dit ce hadith? C'est un hadith rapporté selon Thabit ibn al-Dahhak, un des sahaba, radiyallahu anhu. Et il dit qu'il y a un homme qui avait fait un vœu, hein, et qu'il avait promis à Allah Azza wa Jal que, ou il s'était imposé à lui-même de faire un sacrifice pour Allah Azza wa Jal, mais dans un lieu spécifique. Et ce lieu-là s'appelle Bawana. Et si je me souviens bien, Al-Bawana, c'est un lieu qui est pas loin de yani, la région de Yambour, sur le bord de la mer Rouge, hein, dans Al-Hijaz. Et le cheikh, il dit, donc il mentionne ce hadith-là, que cet homme avait fait ce vœu-là, qu'il allait sacrifier une chamelle à cet endroit qui s'appelle Bawana. Et il a demandé la permission au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, est-ce que je peux aller sacrifier à cet endroit-là et est-ce que je respecte mon vœu que j'avais fait, le nadr que j'avais pris. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a posé une question. Il lui a dit, est-ce que à cet endroit-là, il y avait une idole parmi les idoles de la Jahiliya qui étaient adorées? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a posé cette question-là et il a répondu non, il n'y en avait pas. Alors il a posé une autre question encore. Il a dit, est-ce qu'il y avait un endroit dans lequel les gens se réunissent régulièrement comme pour faire des fêtes, hein, un Eid? Hal kana fiha Eidun min a'yadihim? Est-ce que c'était un lieu de rassemblement annuel dans lequel ils célébraient une fête ou quelque chose de ce genre? Ils ont dit, hein, il a dit non. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu à cet homme en disant, Aufi binadrik, c'est-à-dire sois fidèle à ton vœu ou au nadr que tu avais pris. Et il explique ensuite quelques règles à ce sujet-là. Il dit, il n'y a pas de tu ne dois pas, respecter un vœu que tu as fait si ça implique un péché de désobéir à Allah ou si c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Si c'est quelque chose qui ne t'appartient pas. Comme par exemple, si tu fais un vœu, tu dis... Si tu fais un vœu à Allah, tu dis, oh Allah, si tu m'exauces ou si tu me facilites telle chose, par exemple, tu me facilites de me marier, si tu fais que je me marie, eh ben je vais par exemple faire un jeûne 2 mois. Ça, c'est un nadr. C'est un exemple de nadr. Tu t'imposes de faire quelque chose pour Allah. Hein? Et un autre exemple, parfois certaines personnes, ils vont s'imposer de faire quelque chose. Alayya an adrib fulanan ou aqtul fulanan in hasala kada wa kada ou des choses comme ça. Donc ça, c'est un péché. Tu n'as pas le droit de frapper quelqu'un ou de battre quelqu'un ou de tuer quelqu'un. Donc, si tu as fait un vœu à Allah que tu allais tuer quelqu'un ou que tu allais battre quelqu'un, tu ne dois pas mettre ce vœu-là en exécution. Tu ne dois pas le faire parce que c'est un péché. Donc, c'est haram. et en même temps, tu ne peux pas te permettre de donner quelque chose qui ne t'appartient pas à une autre personne ou de prendre qu'est-ce qui part à toi. Donc ça, c'est un exemple, mais le cheikh, il va donner d'autres exemples à ce sujet aussi. Et cheikh Al-Fawzan, il dit « Hada huwa al-dalil min as-sunnah » فقوله يعني نذر رجل النذر في اللغة الالتزام يقال نذر إذا التزم به ونذرت دم فلان إذا ألزم نفسه بقتله وأما النذر في الشرع فهو التزام عبادة لم تكن واجبة في أصل الشرع مثل صدقة وصلاة صيام وحج وعمرة إلى آخره وقوله أن يذبح إبلا ببوانة يعني بوانة اسم موضع بين مكة والمدينة فجاء الرجل يستفتي النبي صلى الله عليه وسلم هل يوفي بنذره وهكذا ينبغي للمسلم أن يسأل أهل العلم عما أشكل عليه ولا يعتمد على رأيه فربما يكون مخطئا فهذا الرجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ينفذ وهذا هو الواجب والرسول صلى الله عليه وسلم استفصل ولم يبادر بالفتوى فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد والوثن هو ما عبد من دون الله من قبر أو حجر أو شجر أو صنم أما الصنم فإنه خاص بما كان على صورة إنسان أو حيوان والجاهلية هي ما قبل الإسلام وهذه الجاهلية انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي منسوبة إلى الجهل وهو عدم العلم فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم انتهت الجاهلية العامة وقد يبقى منها شيء في بعض الناس أو في بعض القبائل ولكن الجاهلية العامة ولله الحمد انتهت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يقال الناس في جاهلية أو هذا وقت جاهلية ولكن يقال فلان فيه جاهلية أو أهل البلد الفلاني عندهم شيء من الجاهلية نعم هذا يقع وقد يبالغ بعض الناس أو يبالغ البعض ويقول هذا في جاهلية أشد من الجاهلية الأولى وهذا كلام باطل لأنه ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة. Donc on va traduire cette partie-là, après on va continuer inshallah. Ici le Cheikh Al-Fawzan il explique maintenant que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il a mentionné la preuve dans la Sunna. Et il a dit un homme a fait un nadr. Nadr c'est yani un vœu pieux. Et ça signifie dans la langue arabe de s'imposer quelque chose, de se rendre quelque chose obligatoire ou imposer, de s'imposer quelque chose. Et donc, si quelqu'un a fait ce nadr, ce qu'on appelle le nadr, c'est comme s'il s'est imposé à lui-même de faire quelque chose. Comme par exemple lorsqu'il dit « nadartu dama fulan », c'est-à-dire « je me suis imposé de verser le sang d'un tel ». Lorsqu'il s'est imposé à lui-même de le tuer. Tandis que an-nadhru fi shar'i, fait dans la révélation, dans la religion, ça signifie, an-nadhr, ça signifie de s'imposer, de faire une adoration qui n'était pas obligatoire à la base dans la religion, dans la révélation. Comme par exemple, tu t'imposes de faire une sadaqa, ou de faire une salat en particulier, ou de faire un jeûne, ou de faire un hajj ou une umrah, hein, qui n'était pas obligatoire à la base. Donc, c'est-à-dire une chose qui est surérogatoire, qui n'a pas été obligatoire à la base, comme quelque chose qui est parmi les nawafil. Et tu te le rends obligatoire en te l'imposant à toi-même. Et ici, cet homme-là, il s'est imposé de faire un sacrifice. Et c'est dans un endroit particulier qui s'appelait Bawana. Et le cheikh, il dit, c'est un lieu entre Mecca et Al-Madina. Et l'homme est venu poser la question au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à savoir est-ce qu'il doit mettre en exécution ce vœu qu'il avait fait ou non. Et il dit que c'est ainsi que le musulman doit faire. Il doit poser la question aux savants de l'islam et aux hommes de science au sujet des choses qui lui causent des problèmes ou qu'il a de la difficulté à comprendre. Il ne doit pas se baser uniquement sur son propre opinion parce que c'est possible qu'il se trompe ou qu'il soit dans l'erreur. Et il dit le cheikh que cet homme, il a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant d'exécuter ce nadr, avant de mettre en pratique ce vœu-là et de l'appliquer. Et il dit le cheikh que c'est ça qui est l'obligation. Pourquoi il dit ça? Parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui posent la question après l'acte. C'est-à-dire, ils ont un problème, ils vont faire quelque chose, et après l'avoir fait, ils vont voir un cheikh, il dit, cheikh, j'ai fait telle chose, est-ce que ça c'est correct? L'obligation, c'est de demander la question avant de faire. Pas de faire l'action, puis après d'aller poser la question. Parce que après, qu'est-ce que tu vas faire? Une fois que tu as déjà fait l'action, c'est déjà fait. Hein? C'est trop tard. Hein? Même si c'est sûr que tu peux toujours te repentir ou te corriger, mais c'est mieux d'éviter de faire l'erreur en partant. Donc, pose la question en premier. N'attends pas de le faire, puis après tu vas demander. Parce que ça, c'est pas la bonne façon de faire. Hein? C'est comme quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, si tu donnes des exemples, parfois les gens ils comprennent bien. Si tu leur donnes des exemples de la dunya, ils comprennent. Donc, si tu veux un exemple de la dunya, supposons que tu achètes un appareil et tu ne sais pas comment l'appareil fonctionne. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas essayer de le faire fonctionner? Puis après, tu le brises? Ou tu vas lire les instructions? Puis après, tu vas l'utiliser. Tu lis les instructions en premier. Après, tu vas l'utiliser. Hein? Parce que sinon, tu vas faire n'importe quoi. Et puis après, tu vas briser l'appareil. Puis après, tu vas dire, oh non, je vais lire les instructions maintenant. Hein? C'est trop tard. Tu l'as déjà brisé. Oui, c'est vrai. Je ris, mais c'est pas drôle. Allah Musta'an. Et il l'a fait quand même. C'est comme tu dis, il y a des gens... Il pose la question, il y en a des gens, ils posent la question après. C'est-à-dire, ils achètent une maison avec riba. Et acheter une maison, c'est pas comme si tu vas acheter du pain. Hein? Tu vas acheter du pain au magasin. Après, tu regardes la notice, tu vois qu'il y a du porc dedans. À la limite, tu peux aller le retourner. Hein? Ou bien, tu le jettes dans la poubelle. Tu vas pas avoir trop de complications, mais une maison... C'est pas la même chose. Hein? Tu peux pas acheter une maison, puis après demain tu dis, ah, mais je pense que je la veux plus. Hein? C'est pas une transaction aussi simple que ça. Donc, l'obligation, c'est quoi? C'est de demander avant, puis après ça, tu prends ta décision, ou bien tu fais qu'est-ce que tu dois faire. Et comme tu dis, il y en a des fois, c'est le contraire. Ils posent la question avant, puis quand on leur dit que c'est haram, ils le font quand même. Ou qu'est-ce qu'ils font? Ils vont demander à toutes... Ils vont appeler à toutes les mosquées de Montréal, une après l'autre. Et si on lui dit c'est haram, elle va continuer à demander jusqu'à ce qu'il tombe sur une personne qui va lui dire que c'est halal, il va le faire. Ça, c'est comme on dit, c'est... Ça, c'est la chasse au fatwa. Hein? Allah al-musta'an. Il y a ta sawwak. Un qadda, oui, c'est pas un prophète. Je sais, mais... Hein? Et Allah, azza wa jal, il dit, « Wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. » Non, oui, je te... Tu connais celui-là? Je le connais, oui. C'est un fattan. Fattan kabir. Celui-là aussi, là... Allah yahdi. Lui? Ouais, il fait beaucoup de fitan. C'est lui qui appelait les gens. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans ça. Ala kulli hal, tout ça pour dire, yani. Al-ibratu bid-dalil. Allah Azza wa Jal, il dit, wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama al-riba. Hada huwa. Maintenant, si c'est la question, comme ils disent, la question de Ad-Daroura, c'est ça qu'ils parlent. Ad-Daroura, c'est la nécessité. Et la règle dans la charia, Ad-Daroura tubihul mahzoura. Ce qui est Daroura, ce qui est nécessité, ça rend licite ce qui est interdit. Ça, c'est une règle. Mais en même temps aussi, il faut déterminer. C'est ça. Qu'est-ce qui est réellement une Daroura? Parce que quelqu'un, il va dire, moi j'ai un commerce et j'ai besoin d'un deuxième. Et c'est arrivé à un musulman que je connais. Il m'appelle à la mosquée, il me dit, j'ai un commerce et là j'ai acheté un deuxième. Mais là, si je veux continuer mon commerce, je suis obligé de prendre un prêt à la banque parce que si je ne le prends pas, je vais faire faillite et je vais perdre le premier aussi. Et toute ma famille a investi avec moi, donc je vais perdre tout leur argent aussi. J'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Tu veux que je te sorte une permission spéciale pour te conforter? C'est pas à moi de décider qu'est-ce qui est halal ou qu'est-ce qui est haram. C'est Allah, Rabbul Alamin. Oui. Exact. Non, mais il y a dans le Coran. فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ. Ça, c'est mentionné dans le Coran. Donc, فَمَنِ اضْطُرَّ فِي, يعني, si il est dans la nécessité. Oui. C'est ça. Oui. Tu vas mourir. Tu vois un animal qui est mort dans le désert. Il y a un lion qui lui a arraché la tête. Et tu vois sa carcasse sur le sol. Puis toi, tu passes à côté de ça. Puis tu dis, j'ai le choix de manger cet animal qui est mort, qui n'a pas été égorgé selon la charia d'Allah, ou de mourir. Qu'est-ce que je veux préférer? Je veux manger. Mais je veux manger en plus juste la quantité qui est suffisante pour que je ne meure pas. Je ne veux pas me remplir le ventre jusqu'à temps que je ne peux plus respirer. Et puis après ça, j'ai dit, ah, ça c'est Daroura. C'est ça. Et en plus, des fois, c'est comme, c'est surtout comme tu dis, quand c'est, j'ai deux voitures. Et là, je dis, ah, mais maintenant, mon jeune garçon, là, il va aller à l'école, puis il a besoin d'une troisième, on a besoin d'une troisième voiture. Oui, c'est Daroura. Hein? Oui, ça finit plus après. Je te dirais, t'as vu le métro ici? C'est un Marocain. Je le connais pas. C'est-à-dire, je sais qui il est, mais je sais pas de quel pays il vient. C'est pas important vraiment de dire qu'il est marocain ou pas. Ouais. Ah ben c'est ça. Non, je pense qu'il est musulman, mais de mentionner les pays là, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que il y en a des fois, c'est-à-dire, si on mentionne ça, ça crée parfois des oui, des tu comprends ce que je veux dire? Je voulais te dire dans le sens de tout ça, il est supposé être musulman. Ouais, en principe. Je comprends. Oui. Dans ma tête, je me dis, quelqu'un qui se dit musulman, tu ne peux pas prendre du vin, du porc. Et pourtant, tu vois ça dans beaucoup de pays musulmans même. Dans des pays musulmans, ils vendent du vin, ils vendent de l'alcool. Même dans certains pays musulmans, ils produisent du vin. Pas ils vendent du vin, ils produisent du vin. Et ils produisent pas juste du vin même, d'autres choses aussi, des drogues et d'autres choses. Donc tout ça pour dire, les gens, ils cherchent parfois à suivre leur passion et à suivre leur désir, c'est ça. Parce que il y a des gens qui vont dire, mais si je vais payer un loyer pendant 20 ans, j'aurais pu m'acheter ma maison. Ça fait partie de la vie, c'est comme tu dis. Et il n'y a pas juste ça. C'est que même, il y a des gens qui ont fait des comparaisons entre l'achat d'une maison et la location. Et dans certains cas, la location est beaucoup plus avantageuse que l'achat d'une maison. Parce que quand tu achètes ta maison, tu dois la rénover quand elle est vieille, quand elle commence à se détériorer. il faut faire les réparations, tout ça c'est à tes frais, tandis que si tu es locataire, tu n'as pas à payer pour ça, c'est le propriétaire qui paye. Et si tu veux déménager, tu peux t'en aller quand tu veux, quand ton bail est fini, tu quittes. Mais quand tu as ta maison, ce n'est pas aussi facile, tu es accroché à cet endroit-là. Et tu ne peux pas, par exemple, la vendre aussi facilement que comme tu veux. Des fois même que tu peux perdre dans la vente de cette maison-là. Hein? Et il y a beaucoup d'autres facteurs à prendre en considération. Oui, non, c'est ça. Parce que... Exactement. Parce que le bien-être social, il le donne seulement à des gens qui n'ont rien. Mais depuis que tu as des biens qui ont une valeur... que ce soit des biens immobiliers, tu dois vivre de ça avant de pouvoir recevoir de l'aide. Parce que c'est de l'aide de dernier secours, comme on dit, dernier recours. Ce n'est pas pour que tu puisses juste jouir de la vie hein, sur le dos des contribuables. Oh non, c'est ça. Et il y en a qui meurent avant même. Il y en a qui achètent la maison et puis ils meurent avant de l'avoir payée. Et si un jour, tu achètes ta maison avec le riba et tu payes l'hypothèque, et puis à un moment donné, tu ne peux plus payer, ben c'est la banque qui prend la maison. C'est eux qui vont la prendre, ils vont la revendre hein, à qui ils veulent. Donc tout ça, c'est pour dire, Yanni, peut-être que le prix que tu vas payer à la fin, c'est trois fois peut-être le prix de la maison elle-même. Hein? Donc... tout ça, c'est du zulm. Et juste un autre point, un dernier point, c'est qu'il y a des gens qui désirent avoir des maisons. Mais c'est sûr que si tu veux avoir une maison ici, ou une maison, par exemple, à Los Angeles, ou bien je ne sais pas où encore ils veulent aller habiter, à Hollywood, ou à Beverly Hills, ou bien à Paris, hein? Dans le je sais pas quel arrondissement ils veulent habiter, 16e arrondissement, Champs-Élysées, peu importe où ils veulent aller, hein? Moi je pense que ça va lui coûter une fortune, ça va coûter très cher. Même les maisons ici, même les moins chères là ici, ça coûte très très cher. Alors que tu vas aller dans un autre pays, un pays pauvre parmi les pays musulmans, tu vas te faire construire un palais pour le tiers ou le quart même de la valeur de qu'est-ce que tu dois acheter ici. Hein? Donc pourquoi? Oui. Oui. Oui, c'est ça. Pour très peu d'argent. Exactement. Et puis tu vas être bien. Tu vas être bien. Et tu vas avoir tu vas vivre dans le confort, dans le bien. Inch'Allah. Ouais, c'est ça. Et puis il n'y a pas que la Turquie, il y a beaucoup d'autres pays musulmans. Hein? Il y a beaucoup d'autres pays musulmans où tu peux faire ça. Donc, il faut voir où est-ce qu'il est notre cœur. Est-ce que notre cœur il est hein, dans les pays de l'islam ou dans les pays des koufars et des mouchriquins? Est-ce que notre cœur il est avec yani, l'akhira ou bien avec l'dunya? C'est ça. Tu vois? Donc, c'est pas. Il y a des gens, comme je disais l'autre jour, et quand ils meurent, ils veulent se faire enterrer dans leur pays. Mais toute leur vie, ils ont tout fait pour vivre dans les pays non musulmans. C'est quoi le sens de se faire enterrer dans son pays? Oui. C'est quoi le sens? Exactement. Ce serait pas mieux de vivre là où tu veux te faire enterrer. Va vivre dans les pays musulmans. Si tu veux te faire enterrer là-bas, va vivre là-bas. Hein? Parce que la mort, elle vient comme un voleur. Tu sais pas quand est-ce qu'elle vient. Hein? Ouais. Donc, il faut, comme on dit, wala tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mais tu dois faire les causes. Hein? Oui, c'est vrai, le plus tôt possible. Mais cet événement-là, je sais qu'est-ce que tu veux dire, mais il y a une explication à ça. Je me rappelle plus. Là, il faudrait que je vérifie, mais je vais essayer. Oui, c'est ça. Oui, effectivement. Ouais. Oui. Oui, mais il y a une explication à ça. Moi, je me souviens plus là pour le. C'est comme j'ai comme un blanc de mémoire, comme on dit. Mais je vais revenir là-dessus, Inch'Allah. Où est-ce qu'on était rendu là? Ok. Donc le cheikh, il explique, il dit. Donc, tu vas pas poser la question après que tu prends ta décision. Tu poses la question en premier, après tu agis. C'est ça qu'on expliquait. Puis après, il lui a posé la question. Et donc, le cheikh, il dit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est pas précipité direct pour répondre. Hein? Non. Avant de répondre, il a demandé des clarifications de la personne pour être sûr que sa réponse va être plus précise et plus exacte. Alors, il lui a demandé, il lui a dit, est-ce qu'il y avait une idole qui était adorée à cet endroit-là? Il a utilisé le terme en arabe, al-wathan. Et al-wathan, le cheikh explique, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, que ce soit une tombe, une pierre, un arbre, une idole. Donc, il dit que le terme idole, c'est le terme en arabe, on dit sonam. Et il dit que as-sonam, la différence entre al-wathan et as-sonam, c'est que as-sonam, ça n'a pas nécessairement une forme spécifique. Ça peut être n'importe quoi. Tandis que as-sonam, c'est une, qu'est-ce qu'il y a? Une forme humaine ou animale. Donc l'idole, qu'on appelle sonam, ça, c'est qu'est-ce qu'il y a une forme humaine ou animale. Tandis que al-wathan, c'est n'importe quel objet, n'importe quelle chose qui est adorée en dehors d'Allah Azzawajal. Après, le cheikh, il dit, Wal-jahiliya, donc l'ignorance, qu'est-ce qu'on appelle la période pré-islamique ou bien la période d'ignorance, c'est qu'est-ce qui était avant l'islam, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit que la jahiliya qui est générale, elle est terminée avec la venue du messager du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le terme jahiliya, il vient du mot jahl qui est l'absence de connaissance. Et il dit que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu, l'ignorance ou la jahiliya générale, elle s'est arrêtée, il n'y en a plus. Jusqu'à la fin des temps. Il n'y aura plus jamais une jahiliya comme il y a eu avant l'islam. Il dit, sauf que c'est possible qu'il y ait certaines formes d'ignorance en certains individus ou en certaines tribus ou dans certains peuples, mais une jahiliya générale, comme il y en a eu avant, il n'y en aura plus jamais. Puisque tant qu'on a le Coran et la Sunna, il y a toujours la oui, exactement. Et donc, il dit le cheikh qu'il n'est donc pas permis que des gens disent, par exemple, oh, les gens aujourd'hui sont dans la jahiliya, ou on vit dans la jahiliya à notre époque. Il dit non, ça, c'est pas correct de dire ça. Il dit, par contre, qu'est-ce qu'on peut dire? Un individu, il a de la jahiliya en lui. On peut dire, tel pays, il y a de la jahiliya, ou bien des formes de jahiliya dedans. Oui, des formes de jahl, ou d'ignorance, ou de jahiliya, mais pas la jahiliya. Il dit, c'est possible qu'un individu ait des caractéristiques, ou des manifestations, ou des formes de jahiliya en lui. Et il dit que parfois, certaines personnes, ils exagèrent, et ils disent, on est dans une jahiliya qui est plus grave que la jahiliya de l'ancien temps, ou la première jahiliya. Ouais, c'est comme si tu dis il n'y a plus d'islam. Et le cheikh, il dit ça, c'est une parole qui est fausse, totalement fausse. Et on n'a pas le droit de dire ça, parce qu'il n'y en a plus de jahiliya générale après la venue du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a posé une autre question. Sauf que on est arrivé presque à la prière de Isha, il reste 10 minutes. Donc on va s'arrêter ici parce que sinon on n'a pas le temps. Des fois on a besoin de se préparer pour la salat. Donc on va s'arrêter ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.